song de mí. Y living in a song de mí. Living in a town, damn it. Living in a town, damn it. Living in a town, in a town, damn it. Living in a town, damn it. Living in a town, damn it. Living in a town. Thank you.

c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Mr. Loudman, Jabba, Jabba, Mr. Loudman. Mr. Loudman, Jabba, Jabba, Mr. Loudman. She leads a lonely life. She leads a lonely life. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, c'est nous les plus riches. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Tu vas bien? Ouais. Oui, tu vas bien. Mr. Loudman, Mr. Loudman, Mr. Loudman, Mr. Loudman. Jabba, Jabba, Jabba, bum, jatum, Jabba, Jabba, bum, bum, bum, Jabba. Mr. Loudman, Mr. Loudman. Et mec, je me présente, je m'appelle Charles Henry. Je suis un... Attends, je la refais, je la refais. Le mec, je me présente, je m'appelle Charles Henry. Ah merde. Le mec, je me présente, je m'appelle Charles Henry. Allez, on la refait, on la refait. Et mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me substanter. Pas un arabe du coin, ni un euromarché. Odoye ni passi, tel est notre ghetto. Et mec, c'est mon nom à moi, c'est Hubert Valéry. Patrick Stasiglas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier, zut, crotte, flotte, chier. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, tel est notre ghetto. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, tel est notre créneau. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, tel est notre ghetto. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, tel est notre carreau. Salut, tu vas bien? Y'en a marre du fauchon, yeah. Du esblard, du saumon, du caviar. Ouais, yeah. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Salut, tu vas bien? Ouais, ouais, ça va trop bien. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Oh yeah, ah oui. Ah oui, ça va bien. C'est trop bien, oui. Allez, Patrick, c'est à toi. Salut, c'est Patrick, à l'appareil. Oui, c'est Pat, tu vas bien. Et moi. Tu sais quelle est ma vie, à côtoyer Chantal. Ou bien Marie-Sophie, à faire le baisement. À des pétasses, pas le baiser. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Je vais être un voyou, vrai de vrai, hors loi. À côté de ici, mon frère, vous n'avez pas le choix. Y'en a marre de Mylène, Ségolène, des Sylvie, Gwendoline, Églantine, Marie Chantal. Y'en a marre, mon frère, on a des gros problèmes. Y'en a marre, mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. La boîte de papa. Odoye ni passi, c'est pas du ghetto. Odoye ni passi, c'est drôle d'être ghetto. Salut, tu vas bien? Nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante. Des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché, oui mec. Mais pour sortir de ce carcan éducation capitaliste, il faut savoir dire non, non, non, non, mec. Odoye ni passi, c'est pas du gâteau. Odoye ni passi, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qui en ne peut plus souffrir. Odoye ni passi, c'est nous les plus costauds. Odoye ni passi, tel est notre ghetto. Ouais. Yeah. Et mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Pré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du point, ni un euro marché. Auteuil n'est pas si, tel est notre ghetto. Et mec, mon nom à moi, c'est Hubert Valérie. Patrick Statinslag, duc de Mortemont, pauvre Syrie. Cinq ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu suivi mon pote, plein d'envie de révolte. J'ai envie de crier zut, flûte, crotte, chier, merde. Auteuil n'est pas si, c'est pas du gâteau. Auteuil n'est pas si, t'es le notre ghetto. Oh. Y'en a marre du fauchon, des médards, du saumon, du caviar. Y'en a marre du fauchon, du Edlard, du cédron, du caviar. Salut, c'est Patrick à l'appareil. Oui, c'est Pat. Tu vas bien? Et moi. Tu ne sais pas quelle est Mali, Chloé, Chantal, ou bien Marie-Sophie, ou faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Je veux être un voyou, vrai de vrai, hors la loi. Quand t'es né, si t'es mon frère, vous n'avez pas le choix. Y'en a marre des vilaines, Ségolène, des Sylvie, qu'on est dans les gangs, les gantines, on marche dans la rue, on est dans la rue, on est mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire de cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Mr. Loverman, Jabba, Jabba, Mr. Loverman, Mr. Loverman, Jabba, Jabba, Mr. Loverman, Mr. Loverman. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Only try. I can't get no. Road is mine.

'cause you're around the star, around the sky. 'Cause you're the star, around the space. If you don't know, oh, if you don't know, oh, if you don't know, oh, oh, if you don't know, oh, oh, if you don't know. Thank you. Take your better shoes.